Revenu à Babylone, Zadig y retrouve la reine Astarté. Après différentes épreuves dont il sort vainqueur, il est choisi comme nouveau roi de Babylone. L'empire jouit alors de la paix, de la gloire et de l'abondance. Ce fut le plus beau siècle de la terre. Elle était gouvernée par la justice et par l'amour. On bénissait Zadig, et Zadig bénissait le ciel.